En Corée, les travailleurs agricoles innovent dans les préparatifs de travaux de la nouvelle année. En 2 semaines depuis le début de l'année, ils ont accompli à 115% le plan de préparation du fumier à l'échelle nationale par rapport à la même période de l'année passée et respectivement à 117% le plan de préparation des matières premières de l'huménite et celui du limonage.